À dîner, la baronne annonça joyeusement à ses enfants que sous un mois, leur père pourrait partager leur aisance et achever paisiblement ses jours en famille. « Ah, je donnerais bien mes 3 600 francs de rente pour voir le baron ici !» s'écria Lisbeth. « Mais, ma bonne Adeline, ne conçois pas de pareille joie par avance, je t'en prie !»« Lisbeth a raison, » dit Célestine. « Ma chère mère, attendez l'événement !» La baronne, tout cœur, toute espérance, raconta sa visite à Josepha, trouva ses pauvres filles malheureuses dans leur bonheur, et parla de Chardin, le matelassier, le père du garde-magasin d'Oran, en montrant ainsi qu'elle ne se livrait pas à un faux espoir. Lisbeth, le lendemain matin, était à 7 heures dans un fiacre sur le quai de la Tournelle, où elle fit arrêter à l'angle de la rue de Poissy. « Allez, dit-elle au cocher, rue des Bernardins, au numéro 7. C'est une maison à l'allée et sans portier. Vous monterez au 4e étage, vous sonnerez à la porte de gauche, sur laquelle d'ailleurs vous lirez « Mademoiselle Chardin, repriseuse de dentelle et de cachemire ». On viendra. Vous demanderez le chevalier. On vous répondra « Il est sorti ». Vous direz « Je le sais bien, mais trouvez-le, car sa bonne est là sur le quai, dans un fiacre, et veut le voir ».